évident de l'ordre établi. Nous ne sommes qu'une poignée. Mais demain, une armée libre et déterminée. Au service d'un idéal. Nous restons les gardiens du désordre international. Passons.